commencer en bas. Un autre game assolant dans les bacs. Un jeune de cité qui débarque, qui a charbonné pendant que toi t'étais en boîte. Et je t'assure que j'ai ouvert les yeux. Insolent c'est ma signature. Et en larmes moi je regarde les yeux. Eh mon frère j'attends signal et puis je tire. Eh gros, eh qui l'aurait cru. Eh qui l'aurait dit plutôt qui l'aurait fait. Et je suis dans un monde où les infos est frais. En effet je le ferai pour le bonheur de mes frères. J'ai plus rien à perdre mais toujours à donner. J'ai plus rien à faire gros j'ai trop charbonné. Eh je roule à terre, je me pousse dans l'escalier. Je parle avec Emine et puis on se raconte nos vies. Et un peu de temps j'en ai vu des choses. Dans ma zone, donc je laisse le temps de faire les choses. Moi je vais mettre les gants et éteindre les faux. Et je peux rien savoir qui peut me faire reculer. Qui peut me faire renoncer. Le premier qui viendra s'asseoir à ma table prendra des tartes et repartira endetté. Me balade sur le vieux port de Marseille, je sais qu'il l'âme de l'épaule. Et ouais, je sens de la veine, ça j'y crois depuis l'époque. S'il y a un gros, c'est toujours le même épisode. Je connais, c'est la promo de mon premier album. J'ai le seum, j'ai la haine, je tout seul, j'ai la dalle. Le même, on l'appelle, ma défense, c'est l'attaque. Je le fume, je le tais, j'ai l'esprit, j'ai la niaque. On est 5 dans la caisse, en esprit démoniaque. Et gros, je vais en bas, je sais même plus quelle heure il est. Eux, ils croyaient pas en moi, aujourd'hui, je pensais pas les mêmes. Salité, gros, j'ai des salités, envie d'envoyer du sale, j'arrête tout pour pas qu'il m'aime. Validé, pour des mentalités, dans la brutalité, on fait tout pour être remarqué. Et t'as pas idée, bah et t'as pas idée. Et on baisse tout, et toujours en indé. Et toujours en indé, poto. Hein. Puis total bénéf, un an déjà. Premier album dans les bacs. Insolent. Et rendez-vous le 21 septembre, l'équipe. 21 septembre, 21 septembre, 21 septembre. Marseille est avec Arca. On est à bord de la RK Stories. Aujourd'hui, on va à Marseille. Action! Quand j'ai les deux pieds dans le Chica.